Leçon 3. Document 1, page 58. Quel beau film! Tu as aimé, Jérôme? Bof, sans plus. Ah bon? Moi, je l'ai trouvé très bien construit. Tout était parfait. Le scénario, les dialogues, la musique. Franchement, je suis venu parce que les médias en avaient beaucoup parlé. Mais je suis déçu. Hein. J'avais imaginé autre chose, avec plus d'action. Tout se passe dans la même maison. Ça, tu le savais. Je te l'avais dit avant de venir. Tu vois, tu ne m'écoutes pas quand je parle. Oh, j'avais oublié, ce n'est pas grave. Et la musique, tu l'as trouvée comment? Pas mal, mais je la connaissais. Je l'avais déjà entendue. Et les acteurs, ils étaient bons, non? Oui, mais Sophie Marceau était bien meilleure dans Fanfan. Elle avait interprété son rôle avec plus d'émotion, de vérité. Ah, je l'avais appréciée dans ce film. Elle était parfaite. Oh là là, comme tu es critique. Je te dis ce que je pense. J'ai failli m'endormir. C'est donc que les fauteuils étaient confortables. Voilà au moins un point positif.